Bonjour à toutes. Je parle aujourd'hui au nom de la section rouennaise du syndicat des avocats de France. Les avocats sont avec vous aujourd'hui. C'est ce que vous trouvez pour les mouvements sociaux à vos côtés lors de la répression des mouvements sociaux, qu'il s'agisse des gilets jaunes ou des manifestations contre ces différentes raisons qu'on nous sert. Alors nous, pour nous, les avocats, c'est simple aujourd'hui. 100% des barreaux de France sont en grève cette année. 100%. Je n'ai jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on n'en peut plus, on en a marre. On veut qu'ils nous foutent la paix. On parlait tout à l'heure de nos anciens. Les avocats, on n'a pas de régime spécial. On a un régime autonome qui est solidaire, qui reverse au régime général tous les ans 100 millions d'euros. Et on a un État qui n'a plus d'argent dans ses caisses, qui vient nous dire on va gérer. C'est intenable. Intenable. On a des réserves, 2 milliards d'euros, qui nous servent à assurer un régime solidaire. Aujourd'hui, si j'ai 64 ans, même avec une carrière accidentée, des accidents de la vie, mon régime me sert une retraite à taux plein. Aujourd'hui, avec leur réforme, on ne sait toujours pas ce que c'est une carrière complète. Donc nous, on ne lâchera rien. On est avec vous, on se laissera pas faire.